lisible. Là. J'ai eu pas tout à l'heure en faisant des courses, donc. Pas si difficile. Ah, juste le fait. Elle est un peu isolée en ce moment. Elle est un peu isolée, elle est malade.